En Corée du Sud, les habitants de l'arrondissement de Songju de la province du Gyeongsang du Nord ont livré la lutte de protestation contre les gouvernants à l'arrivée du Premier ministre et du ministre de la Défense dans leur région pour la soi-disant explication sur la disposition du SAD. Ce jour-là, la préfecture de police de la province du Gyeongsang du Nord a accusé la protestation populaire d'entrave à l'exercice des fonctions publiques et de violence, a organisé une équipe d'enquête extraordinaire en parlant de l'intervention des forces extérieures et s'attache au dénichement des intéressés. Elle tente même de punir, sous l'inculpation des violations de la loi, les habitants de Songju qui avaient barricadé avec leurs tracteurs et véhicules pour empêcher la fuite du Premier ministre et du ministre de la Défense, chassés pour leurs paroles traîtresses.